إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver dans cette soirée, la nuit du 1er Dhul-Hijjah de l'année 1438 de l'Hégire, correspondant au 22 août 2017, afin de lire ensemble l'épître intitulée « Thalathatul Usuli wa Adillatuha » les trois fondements et leurs arguments de l'imam, revivificateur de la religion de l'islam, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui accorde les degrés les plus élevés dans le paradis, ainsi que tous les savants de la sunna, avec le commentaire de son éminence, l'imam de notre époque, Abdelaziz Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah l'élève dans les degrés du paradis. Ce commentaire que nous avons déjà entamé et cette soirée nous reprenons là où on s'était arrêté, là où l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab a parlé du deuxième degré qui est la foi. Il a dit, rahimahullah, al-martabatu thaniya, al-iman, wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatu al-adha an al-tariq, wal-haya'u shu'batun min al-iman. Il a dit, rahimahullah, le deuxième degré, al-iman. Al-iman comporte plus de 70 branches. La plus haute d'entre elles est le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse d'entre elles consiste à éloigner un obstacle qui gêne le passage. Et de même, la pudeur est l'une des branches de la foi. Ensuite, il a cité les six piliers de la foi et il a cité le verset dans lequel il y a un dalil pour les cinq piliers, les cinq premiers piliers, et le qadar, il a cité son dalil seul. Dans le commentaire de l'imam Mohammed de Cheikh Islam, Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah, il a dit الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين. Il a dit l'Iman, c'est ce qui se rapporte aux actes du cœur. Comme croire fermement en Allah Azza wa Jal et qu'il est le Seigneur des mondes. Wa annahu huwa al-mustahiq lil-ibadah. Et que c'est lui le seul qui a droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Wa at-tasdiq bil-mala'ikati wa bil-kutubi wa bil-rusul wa bil-ba'thi ba'da al-mawti. والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. Également fait partie de l'iman le fait de croire aux anges, aux livres, aux envoyés, à la résurrection après la mort, au paradis et à l'enfer, et au destin, qu'il soit convenable ou inconvenable. Qu'il soit convenable ou inconvenable. Ensuite, il a dit, rahimallah, كل هذا يتعلق بالقلوب فهو أصل من الأصول التي لا بد منها donc tout ce qui a été cité la foi en tous les points qui ont précédé ça se rapporte au cœur فهو أصل من الأصول التي لا بد منها. فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام فلا بد من هذا وهذا لا بد من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. Donc il poursuit en disant رحمه الله la foi, l'iman, est un fondement parmi les fondements indispensables. Il n'y a pas d'islam sans iman, comme il n'y a pas de iman sans islam. Indispensable d'avoir les deux. Indispensable d'avoir la soumission dans les membres et dans l'apparence de manière générale, comme il est indispensable d'avoir la soumission du cœur et la foi du cœur également. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, a rassemblé ces deux points, à savoir l'islam ou l'iman. Également le messager alayhi salam les a cités ensemble. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. Donc l'islam c'est quoi? C'est la mise en pratique, la mise en application c'est la mise en pratique et la mise en application apparente des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement de ses interdits et de sa désobéissance. Et quant à la foi, elle englobe les actes cachés, les actes cachés, yani tout ce qui se rapporte au cœur, ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. Ensuite, il a dit, on appelle l'islam, on l'appelle iman. Comme on appelle l'iman islam. Je vous résume tout ça, et je pense qu'on l'a déjà vu. Il y a des mots, quand ils sont cités dans le même contexte, ils ont des sens différents. Mais quand ils sont cités dans des contextes différents, ils ont le même sens. C'est des synonymes. En l'occurrence, al-islam ou al-iman. Si on dit islam, ça veut dire l'iman. Ça veut dire l'islam et ça veut dire l'iman. Si on le dit seul. Si on dit l'iman, également, on veut dire l'iman et l'islam. C'est des synonymes. Mais si c'est cité dans le même contexte, comme ici, dans un même hadith, l'islam va s'orienter vers les actes apparents. Vers les actes apparents. Et l'iman va s'orienter vers les actes du cœur, les actes intérieurs. Voilà, yani, par rapport à ce point. فإذا قيل الإيمان عم الجميع وإذا قيل الإسلام عم الجميع قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Donc quand on dit l'islam, ça englobe les deux. L'iman et l'islam. Et quand on dit l'iman, ça englobe également les deux. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset, certes la religion acceptée par Allah est l'islam. Et bien évidemment que ça englobe les actes apparents et les actes intérieurs. وَهَكَذَا الْإِيمَانُ إِذَا أُطْلِقَ عَمَّ الْجَمِيعِ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et de la même manière, l'Iman, quand c'est cité de manière absolue comme ça, ça englobe les deux. Quand c'est cité, ça englobe l'Islam et ça englobe l'Iman. Le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit dans le hadith authentique, il a dit: la foi se compose de plus de 70 branches. La meilleure d'entre elles est l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et la plus basse d'entre elles est d'éloigner un obstacle qui gêne le passage. فالإيمان هنا يعم الجميع فيعم أركان الإسلام ويعم الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة كما أنه يشمل الإحسان. Donc l'Iman dans ce hadith englobe l'ensemble. Il englobe les piliers de l'islam, il englobe les actes apparents comme il englobe les actes intérieurs, comme il englobe également l'ihsan, qui est la bienfaisance. Il englobe également l'ihsan, qui est la bienfaisance. أما الإحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين والآيات في هذا المعنى كثيرة. Ensuite, il a dit, rahimahullah, l'ihsan, yani la bienfaisance, il a dit, ça consiste à accomplir les adorations de manière parfaite et excellente, que ce soit intérieurement et ou extérieurement. C'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, c'est de l'adorer en sachant que lui, il te voit. C'est de l'adorer en sachant que lui te voit. Et donc, toute personne qui arrive à ce niveau, que ce soit le premier degré ou le deuxième degré, à savoir adorer Allah comme si on le voyait, sinon, inférieur à ça, l'adorer tout en sachant que lui, il ne voit, subhanahu wa ta'ala. Celui qui arrive à ce niveau-là, alors il aura atteint le niveau de l'ihsan. Et tout le bien lui sera rassemblé et réuni. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, certes Allah est avec ceux qui l'en craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Il a dit dans l'autre verset, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Il dit Rahimallah. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité comme dalil qui englobe tout ce qui a précédé le hadith appelé par les hommes de science hadith ou Jibril alayhi salam, ce hadith très très connu qui est dans l'Arba'in Nawawiya et que les hommes de science appellent Umm al-Sunnah. Comme le Fatiha est appelé Umm al-Qur'an, car tout le Qur'an revient à le Fatiha. Comme si le Fatiha est l'origine de tout le Qur'an. Tous les sens que tu trouves dans le Qur'an, tu les trouves dans le Fatiha d'une manière globale. De la même manière pour la Sunna, Umm al-Sunna, c'est Hadith Jibril alayhi salam, où il est venu enseigner aux compagnons radiyallahu anhum, leur religion. Il est venu avec une apparence de talib ilm, une barbe noire, un habit blanc propre. Et de ce hadith, les savants ont tiré les règles de politesse que doit avoir talib ilm, que ce soit en lui ou avec ses chouyours ou dans les assises de science, de manière générale. Jusqu'à ce qu'il s'est assis devant le Nabi alayhi salam, dans une apparence d'être humain et de demandeur de science. Mais en réalité, il est venu autant que enseignant. Lui, il pose la question et le Nabi alayhi salam répond. Les sahaba, radiyallahu anhum, apprennent. Donc, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, après que le hadith lui a été lu, il ne l'a pas commenté, car ce hadith, il est expliqué dans plusieurs livres, plusieurs ouvrages, et dans plusieurs occasions. Ensuite, l'auteur, rahimallah, dit « Al-Asl al-Thalif, ma'rifatu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Donc, on a vu le premier fondement sur lequel sera interrogé toute personne dans sa tombe, excepté ceux qui font exception de cette généralité, tel que le martyr. Mais sinon, l'ensemble de la Ummah sera mise à l'épreuve dans sa tombe, la dernière épreuve qu'elle connaîtra. Et cette épreuve, ce qu'il faut savoir, c'est pas dans la tombe qu'on va faire les efforts pour répondre et pour trouver les bonnes réponses. Celui qui aura appris ces choses-là et qui les aura appliquées dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, celui-là, Allah Azza wa Jalla lui facilitera la réponse. Il lui permettra la réponse, car c'est Allah qui permettra la réponse ce jour-là. C'est une épreuve dans son apparence, mais en réalité, c'est le fruit de toute une vie. Si elle est passée dans le tawhid, Et dans l'application des commandements de la religion de l'islam et dans l'amour de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans le cramponnement à sa sunna, quelle heureuse personne celle-là pour qui sera facilitée la réponse bi'idhnillahi ta'ala. Le troisième fondement, c'est de connaître le Nabi alayhi salatu wa salam, notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de le connaître. Et ici, dans ce fondement, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il va nous donner des points que tout musulman doit connaître sur son Nabi, sur son prophète alayhi salatu wa salam. Il a dit, rahimahullah, الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي رحمه الله. La connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le troisième fondement, la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, et Hashim fait partie des Quraysh, et Quraysh font partie des Arabes. Et les Arabes font partie de la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil, c'est celui qui a atteint le degré le plus élevé dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Un degré qui n'admet pas le partage, c'est-à-dire tout ce qu'il aime. Il l'aime en Allah et pour Allah. Fils d'Ibrahim al-Khalil, que les meilleures prières et salutations soient sur eux. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit dans le commentaire: هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلق الله لها. Donc il a dit, ça c'est le troisième fondement qui consiste à connaître notre prophète alayhi salatu wassalam. Il est du devoir de la personne de connaître son prophète qui lui a été envoyé et qui lui a transmis le message et qui lui a clarifier les législations qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonnées. Et il lui a montré l'adoration pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس. Il a dit, رحمه الله, ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et le messager d'Allah pour cette communauté parmi les djinns et parmi les humains. Parmi les djinns et parmi les humains. Allah Azza wa Jal l'a envoyé pour toute l'humanité. Il l'a envoyé pour toute l'humanité. C'est-à-dire les deux communautés, la communauté des humains et la communauté des djinns. Car Nas, ça englobe les deux. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dans le sens du verset, dit: ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Et dans le sens de l'autre verset, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. فاسمه محمد واسمه أحمد واسمه الحاشر والماحي والمقفى لأنه خاتم الأنبياء وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة هذه كلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله وجاء به القرآن قال تعالى محمد رسول الله. Donc son nom c'est Muhammad. Il s'appelle également Ahmed. Il s'appelle Hashir, Al-Mahi, Al-Muqaffi. Car il est le dernier des prophètes. Ça c'est par rapport à Al-Muqaffi. Al-Muqaffi. Al-Muqaffi. Al-Muqaffi, c'est le dernier des prophètes. C'est celui qui est venu en dernier. Alayhi salatu wassalam. Et c'est le prophète, également parmi ses noms, le prophète du repentir, et le prophète de la miséricorde, et le prophète du combat. Tout ceci font partie de ces noms. Cependant, le plus connu et le plus célèbre et le meilleur de ces noms, c'est Muhammad, que ses proches lui ont donné et qui a été cité dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, قال الله تعالى محمد رسول الله. Muhammad est le messager d'Allah. وهكذا أحمد كما بشر به عيسى عليه السلام قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et ensuite vient l'autre nom Ahmed qui est également cité dans le Coran, qui est également cité dans le Coran, où Isa alayhi salam, quand il a annoncé la nouvelle de la venue de Muhammad sallallahu alayhi salam, comme Allah azza wa jalla dit dans le sens du verset, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom est Ahmed. Wa hakada fa huwa Muhammad wa abuhu ismuhu Abdullah wa jadduhu ismuhu Abdul Muttalib wa Abdul Muttalib لقب وإلا فاسمه شيبة وأبو جده اسمه هاشم وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك. Donc lui il est Muhammad et son père est Abdullah, son grand-père Abdul Muttalib. Abdul Muttalib en réalité c'est son surnom, alors que son vrai nom, c'est Shaiba. Et le père de son grand-père, il s'appelle Hashim. Et il fait partie des maîtres de Quraysh. Il fait partie des nobles, des notables et des maîtres de Quraysh. Et Abdul Muttalib également. Son grand-père également avait ce mérite. وهاشم من قريش وقريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم. هاشم fait partie de Hashim, il fait partie de Quraysh. Et Quraysh est une grande tribu parmi et c'est la meilleure tribu des Arabes. Et النبي عليه الصلاة والسلام Il fait partie de la meilleure lignée de cette tribu Quraysh, qui est la meilleure tribu des Arabes. Il fait partie des Bani Hashim. Et les Bani Hashim, c'est l'élite de Quraysh. Quraysh, son nom c'est Fihr. Fihr ibn Malik. Donc Quraysh, c'est également un surnom. Il a été connu par ce surnom. Mais son vrai nom c'est Fihr ibn Malik. Et il y a une divergence. D'autres savants ont dit qu'il s'appelle An-Nadr ibn Kinana. Jaddu Fihr ibn Malik. Ils ont dit qu'il s'appelle An-Nadr ibn Kinana, Quraysh. Donc c'est le grand-père de Fihr ibn Malik. Et ce n'est pas Fihr ibn Malik qui est Quraysh. وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح. قريش c'est une tribu qui s'est fait arabiser. Donc c'est pas une tribu arabe à la base. Elle a acquis la langue arabe. Elle a acquis la langue arabe et elle est devenue une grande éloquence dans la langue arabe. Elle est plus une tribu arabe que la tribu de Qahtan. C'est pour ça qu'on appelle la tribu de Qahtan Al-Arab Al-Ariba. C'est pour ça qu'on appelle la tribu de Quraysh Al-Arab Al-Ariba ou Al-Arab Al-Musta'riba. Et hum min dhurriyati Ismail ibn Ibrahim Al-Khalil. Donc, la tribu de Qahtan, c'est une tribu arabe très très connue, très ancienne également. Et ce n'est pas une tribu qui a acquis la langue arabe, c'est une tribu qui avait d'office la langue arabe comme langue, contrairement à Quraysh. Mais Quraysh, quand elle a acquis la langue arabe, elle a excellé dans cette langue, jusqu'au point où elle a acquis cette éloquence qui est connue. Où le marché chez eux c'était le marché des poèmes. Et les juges, c'était les juges qui jugeaient les poèmes. Lequel est le meilleur. Entre parenthèses. Wa hadha an-nabiy al-'azim wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nubbi'a bi iqra fa awwal ma nazala alayhi iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa sara biha nabiyya wa qad ataahu Jibril alayhi salam wa huwa fi al-ghar غار حراء فأقرأه هذه الصورة. Donc ce prophète majestueux qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète en recevant la parole d'Allah, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra. Sourate Iqra. Ou sourate al-Qalam. On l'appelle Iqra, on l'appelle al-Qalam. Donc c'est la première chose qui lui a été révélée. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ni lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et c'est ainsi qu'il est devenu prophète. Et Jibril alayhi salam est venu à lui dans la grotte. Dans la grotte de la montagne de Hira. Donc la montagne, elle s'appelle Hira. Et la grotte, c'est une grotte qui se trouve dans cette montagne. Ce n'est pas la grotte qui s'appelle Hira. La montagne, elle s'appelle Hira. Et il lui a récité cette surah, Iqra. Pas la surah en entier, comme vous savez, mais les premiers versets de cette surah. ثم بعد مدة يسيرة جاءه بالمدثر فصار رسولا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. Ensuite, après un petit laps de temps, Jibril عليه السلام est revenu à notre prophète عليه السلام avec sourate al-Mudathir. Et c'est ainsi qu'il est devenu messager. Vous constatez la distinction que l'imam Ibn Baz rahimallah fait entre le prophète et le messager. Il est devenu prophète avec Iqra, et il est devenu messager avec Ya ayyuhal muddaffir, qum fa'anzir. Et donc ça rejoint la définition que donnent beaucoup d'hommes de science au prophète. Il dit, c'est celui qui reçoit la révélation, mais qui n'est pas chargé de la transmettre. Et ils disent, le messager, il reçoit la révélation et il est chargé de la transmettre. Et cette définition a été rejetée par certains de nos savants, tels que notre noble cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, ainsi que d'autres parmi les hommes de science, cheikh Salah al-Sheikh et d'autres. Car ça consiste à dire que le prophète, il reçoit la révélation, mais il ne transmet rien. Alors que, comme vous savez, le savant, même s'il ne reçoit pas la révélation, il transmet. Donc ça pose un petit souci. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, le prophète, il reçoit la révélation, il la transmet, mais le prophète est dépendant ou il suit un messager. Forcément, un prophète suit un messager. Donc le messager, lui, il va venir avec une nouvelle législation. Et les prophètes qui vont venir avec lui, qui sont dépendants de sa législation, ils ne vont pas recevoir une nouvelle législation, mais ils vont avoir comme le rôle des hommes de science, avec la différence qu'ils reçoivent la révélation et qu'ils sont assistés par Allah Azza wa Jalla avec la révélation. Mais cette définition, Allahu A'lam, semble plus correcte et plus juste, Allahu A'lam. C'est comme ça que dit notre cheikh Mohammed bin Hadi, hafidhahullah. Mais ça reste des définitions. Ce qui est sans sûr, c'est que les prophètes et les messagers reçoivent la révélation. Donc il est devenu messager en ayant reçu la parole d'Allah, Ya ayyuhal muddaffir, qum fa'anzir. Dans le sens des versets, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. Donc le muddaffir, il dit rahimallah, al-multahif, li'annahu ba'dama ja'ahu al-wahi, ishtadda alayhi al-amr, wa qala zammilouni, zammilouni. دثروني دثروني من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام مرات. Donc il dit rahimahullah, المدثر, le revêtu, car il s'est revêtu d'une couverture quand Jibril عليه السلام est venu à lui avec la révélation, et que c'était très dur pour lui, ce qu'il a vu, car comme vous savez, entre parenthèses, il a vu Jibril alayhi salam tel que Allah Azza wa Jalla l'a créé. La première fois qu'il l'a vu dans la grotte de Hira, il l'a vu tel que Allah Azza wa Jalla l'a créé. Et la deuxième fois qu'il l'a vu, la deuxième fois où il l'a vu réellement comme Allah Azza wa Jalla l'a créé, c'était dans la nuit de l'ascension. Dans la nuit de l'ascension. Quand il est monté jusqu'au septième ciel, notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, il a vu également Jibril, alayhi salam, tel que Allah Azza wa Jalla l'a créé. Comme la révélation était pénible et dur pour le Nabi alayhi salatu wassalam, il disait, couvrez-moi, couvrez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Tellement c'était difficile ce qu'il a touché alayhi salatu wassalam, et la peur qu'il l'a pris quand Jibril alayhi salam l'a serré. Jibril alayhi salam l'a serré à plusieurs fois. Il l'a serré plusieurs fois. Il lui disait, lis. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, il répondait, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire. عليه الصلاة والسلام. ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها، ثم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر الناس، فصار رسولا بأمره بالنذارة. Il lui a dit, lis, Jibril alayhi salam, lui a dit, lis, en le préparant à ce qu'il attend comme difficulté, afin de transmettre ce message, et pour qu'il prenne conscience de la grandeur de ce message. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhal muddaffir, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. C'est-à-dire, lève-toi et avertis les gens, car il est devenu messager. Une fois qu'Allah Azzajal lui a ordonné d'avertir, c'est-à-dire de transmettre. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Proclame la grandeur de ton Seigneur. أي عظمه بالتوحيد. C'est-à-dire, ça signifie magnifie ton Seigneur par l'unicité, par tawhid. Magnifie-le par l'unicité, par tawhid. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ. Et tes œuvres ou tes vêtements, selon l'explication qui a été donnée, ce verset a été expliqué de deux manières. C'est quoi les vêtements ici? Est-ce que c'est les vêtements ou ce sont les œuvres? Purifie-les. Purifie tes vêtements et purifie tes œuvres, c'est-à-dire purifie tes œuvres de l'associationnisme. Car, il dit Cheikh Ibn Baz, rahimallah, car purifier les vêtements n'est pas voulu ici dans ce verset, car salat n'a pas été encore prescrite à ce moment-là. Ce qui est voulu, ce sont les œuvres, comme Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre verset, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ فَالْعَمَلُ يُسَمَّى لِبَاسًا. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de l'autre verset, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. L'œuvre s'appelle également vêtement en arabe. والرجز فهجر. Et de toute impureté, écarte-toi. الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا الأمر 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وترك عبادة الأصنام والأوثان ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك وغير ذلك. Donc, écarte-toi de toute impureté. Les impuretés, ce sont les statues, les idoles. Et s'écarter d'elles signifie les délaisser, les désapprouver. Et les désavouer. Ainsi, désavouer les idoles ainsi que les idolâtres. Notre prophète alayhi salam a passé 10 ans. Il a passé 10 ans en appelant les gens au tawhid et en les mettant en garde contre le shirk et en ordonnant de délaisser l'adoration de toute chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser l'adoration des statues, des idoles, et il leur ordonnait d'adorer Allah et de lui vouer un culte exclusif, de l'invoquer seul et que leurs vœux et leurs sacrifices soient pour lui seul subhanahu wa ta'ala. ثم بعد العشر عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبرائيل وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع فيه صريف الأقلام ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس فرضها 50 صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله خمسا. Ensuite, après ces 10 ans passés à Mecca, Allah Azza wa Jal lui a permis l'ascension vers le ciel accompagné de Jibril alayhi salam, et le ciel lui a été, les cieux lui ont été ouverts et il est monté jusqu'à atteindre un niveau très élevé au-dessus des 7 cieux. Il a dépassé les 7 cieux, alayhi salatu wassalam. Il est arrivé à un endroit où il a entendu les plumes qui écrivent. Et Allah Azza wa Jal l'a appelé. Allah Azza wa Jal l'a appelé. Et il lui a parlé. Et il lui a prescrit les 5 prières. Ça a été prescrit au début, 50 prières. Et notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, n'a cessé de demander à Allah l'allègement jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal les a rendu 5 prières uniquement par jour. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont 5 dans le nombre, c'est-à-dire dans leur accomplissement. Nous prions 5 prières par jour obligatoires. Et ce sont 50 dans le livre, c'est-à-dire la récompense de 50 prières, alhamdulillah, pour cette ni'ma immense. Une ni'ma parmi de très très nombreuses ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé dans cette religion. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit: فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له أجر 50 فالحسنة بعشر أمثالها. Celui qui observe ses prières et qui les accomplit à leur temps prescrit et déterminé, Allah lui donne la récompense de 50 salats, car la hasana est récompensé par 10 et 5 par 50. فنزل بذلك عليه الصلاة والسلام فاستقرت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وصلاها في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر. Et ensuite notre prophète عليه الصلاة والسلام est descendu sur terre. Après cette ascension, An-Nabi alayhi salatu wassalam, bien évidemment, entre parenthèses, vous savez que, comme vous savez, il y a eu le voyage nocturne d'abord, de Mecca vers Bayt al-Maqdis, la Palestine, et de Bayt al-Maqdis a eu lieu l'ascension. Donc il dit, rahimallah, que notre prophète alayhi salatu wassalam, après cette ascension, il est descendu et la prière est restée 5 prières obligatoires par jour et nuit. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha, Al-Fajr. Notre prophète عليه الصلاة والسلام a prié la prière obligatoire une fois que ça a été prescrit. Notez bien ces précisions. Ça a été, une fois que ça a été prescrit, il a prié 3 ans à Mecca, avant de faire le Hijra. Pourquoi? Une fois que ça a été prescrit, parce que avant, il y avait une autre prière. Nabi alayhi salatu wassalam priait avant. Mais, c'est pas la même prière que celle-là. Dans le nombre de raka'at, et dans certains détails. Ensuite, il dit, rahimallah, il a prié 3 ans avant de faire le hijra. ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه radiyallahu anhum wa ardahum. Ensuite, Nabi alayhi salam a fait le hijra vers le Médina. Après que les épreuves qu'il a suivies de Quraysh, lui ainsi que ses compagnons, radiallahu anhum, et le mal qu'ils ont subi d'eux, Allah Azzawajal lui a permis de faire le hijra vers Mecca, de Mecca vers le Médina. À cause de ce mal et de ces injustices qu'ils ont subies de la part de Quraysh, ils sont partis vers le Médina, vers l'Ansar. Ils disent les auxiliaires vers l'Ansar, ceux qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam. Et l'Ansar, ils avaient fait un pacte d'allégeance à notre prophète alayhi salatu wassalam auparavant, dans la période de l'Hajj, pour qu'il les rejoint. Et ils lui ont fait ce pacte afin de le triompher et de l'assister et de le soutenir, qu'Allah les agrée. فلما تمت البيعة وأذن الله له بالهجرة هاجر إليهم وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. إن دي رحمه الله il dit, rahimahullah, quand le pacte d'allégeance a été conclu, Allah Azzawajal a autorisé à son prophète alayhi salatu wassalam de faire l'hijra et d'aller vers l'Ansar, alors que certains de ses compagnons avaient fait l'hijra auparavant vers l'Abyssinie, l'Éthiopie au jour d'aujourd'hui. Ils sont restés auprès de Négus une certaine période. Et ensuite, ils ont rejoint le prophète alayhi salatu wassalam vers Al-Madina. Une partie d'eux est partie vers Al-Madina, avant que le Nabi alayhi salatu wassalam ne fasse le hijra vers Al-Madina. Une fois que le Nabi alayhi salatu wassalam est allé vers Al-Madina et qu'il s'est bien installé à Médine, l'autre partie qui était restée en Éthiopie a rejoint le Nabi alayhi salatu wassalam fil Madina et ainsi ils se sont tous rassemblés dans le Madina. Nous allons bi'idhnillah nous arrêter ici et le peu qui reste, nous allons faire dans la séance à venir, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et surtout, dans ces jours à venir, qui vont commencer à partir de demain, les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, par rapport auxquels il y a un mérite immense. Les œuvres dans ces jours-là ne sont égalées par les œuvres dans aucune autre période dans l'année, de manière absolue. Comme il dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, les gens savent le mérite des dix derniers jours de Ramadan. Mais il faut savoir que les 10 premiers jours de Dhul-Hijja sont meilleurs dans leur mérite que les 10 derniers jours de Ramadan. Donc les œuvres pieuses dans ces 10 jours sont meilleures que le jihad fi sabilillah, même que le jihad fi sabilillah. Le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a cité le jihad car son statut dans l'islam est connu. Les œuvres pieuses dans ces jours-là sont très très méritoires. Donc il ne faut rien négliger, mes frères, il ne faut rien négliger. Que ce soit en les jeûnant, car ça fait partie des œuvres pieuses de jeûner. Ou en multipliant sadaqa également, ou en lisant le Coran beaucoup plus que d'habitude. Et celui d'entre nous qui n'a pas encore un wird, une partie de le Coran, que ce soit un juz, plus ou moins, qu'il lit tous les jours, quoi qu'il arrive, c'est l'occasion pour commencer. Pour commencer, pour se fixer une partie du Coran qu'on lit tous les jours. Et la plupart des problèmes que nous avons dans notre quotidien, c'est à cause de notre éloignement du Coran. Dans sa lecture, dans sa compréhension, dans sa mise en application, tout ça, c'est la cause de tous nos problèmes. Le manque de baraka dans notre temps, dans nos biens, dans nos familles, tout ça, c'est à cause de notre éloignement du Coran. Et là, c'est une occasion pour reprendre des bonnes habitudes, bi'idnillah. Qu'Allah me le facilite. Qu'Allah me le facilite à moi, ainsi qu'à tous mes frères, en lisant beaucoup la parole d'Allah Azza wa Jal. Et en assistant à des assises de science, pour ceux qui ont l'opportunité, en apprenant, tout ça, ça fait partie des œuvres pieuses qu'il faut multiplier pendant ces 10 jours, en espérant leur grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.